مش مامولا مامولا سلا جحف لقا Je suis dans la tête, mamma mia, qui gala. J'ai tellement voyagé, j'ai plus de place dans mon passeport. Y'a la guarda, tu les wesh pas sur rapport. Je suis dans la veine, t'adore, j'ai fait rêver mi à mort. Elle aime les ballons, sous du chaballon. Elle aime les galons, les mecs qui ont le bras long. Elle aime les ballons, sous du chaballon. En boligal, moi je te suivrai même en flamand. Ma moula, comment c'est, comment va? J'y te fais la gâche, fais de la moulaga. Un verre de vodka dans Valhalla. J'suis dans Valhalla, j'fais la malalala. Tu veux rester là, j'y faut que tu ralasses. Les gosses pour ça avant, faut qu'on se déplace. Faut que tu ralasses, faut que tu ralasses. Puis de pétrole comme d'un gros nerf vient de Mexico. Si vous faites la paix, Kiko. J'sais que ça te plaît, Kiko. On a des millions d'éco. Ouais, des millions d'éco. Je sais que ça te plaît, Chica. Laisse tomber ton vélo. J'veux t'y faire son amical. J'suis dans la tête, mamma mia, qui gala. J'ai tellement voyagé que j'ai plus de place dans mon passeport. Y'a la guarda, tu les wesh pas sur rapport. J'suis dans la veine, t'adore. J'ai fait rêver mi à mort. Elle aime les ballons, sushi chaballon. Elle aime les patrons, ceux qui ont le bras long. Elle aime les ballons, sushi chaballon. En bolide allemand, j'te charme et même en flamand. Au fond du bar, recommande à boire. Pour la moulaga et tard le soir, dans la saison 3. La Sinaloa au fond de la tête, posée dans le local. Des sommes colossales et pour le reste, j'suis à Marrakech, dans l'anonymat. Elle aime bien les ballons, elle veut des nouveaux talons. C'est violet, billet ultraviolet. C'est violet, billet ultraviolet. Je suis dans la tête, mamma mia, qui gala. J'ai tellement voyagé que j'ai plus place dans mon passeport. Y'a la guarda, tu les wesh pas sur rapport. J'suis dans la veine, t'adore, j'ai fait rêver mi à mort. Elle aime les ballons, sushi chaballon. Elle aime les patrons, ceux qui ont le bras long. Elle aime les ballons, sushi chaballon. En bolide allemand, j'te charme et même en flamand. J'suis dans la tête, mamma mia, qui gala. J'ai tellement voyagé, j'ai plus de place dans mon passeport. Y'a la guarda, j'suis les wesh pas sur rapport. J'suis dans la veine, t'adore, j'ai fait rêver mi à mort. Elle aime les ballons, sushi chaballon.